Le Mont-Sainte-Victoire domine la campagne d'Aix, le pays de Cézanne. C'est la seule protubérance rocheuse du genre dans la région. Et c'est un repère proéminent à bien des points de vue. Cézanne et ses amis d'enfance, dont Émile Zola, développèrent une relation personnelle avec ce paysage qu'ils exploraient du temps de leur jeunesse. Ils avaient conscience de la Renaissance provençale qui avait lieu au même moment. C'était un mouvement qui célébrait la langue des natifs de la région, son art et ses traditions culturelles. Le Mont-Sainte-Victoire a joué un rôle symbolique dans la représentation de ce renouveau. C'était l'emplacement de la défaite romaine face à l'armée teutone ennemie. Un événement qui est devenu matière à légende et qui a donné son nom à la montagne. Est-ce alors un hasard si Cézanne a peint le mont Sainte-Victoire plus de 60 fois, se faisant même construire un atelier qui offrait une vue à couper le souffle du site? Quand il avait 17 ans, Geoffrey Scheuer fit un voyage dans le sud de la France avec son grand-père Henri Perlman. Ils rendirent visite à des artistes et visitèrent des lieux proches d'Aix où Cézanne avait peint. Il se rappelle. J'ai de nombreux souvenirs qui s'ajoutent les uns aux autres pour former une image composite de la personne qu'il était et de la place importante qu'il tenait dans ma vie. S'il y a bien un souvenir qui se démarque des autres, je pense que c'était lors de l'été 1970, alors que j'étais venu étudier le français à Aix-en-Provence avec un groupe d'autres jeunes de New York. En réalité, après un ou deux jours de cours, nous avions loué des motos et nous avons roulé dans les alentours d'Aix-en-Provence le reste de l'été. La dernière semaine du voyage, Henri débarqua et me fit visiter les endroits où Cézanne avait peint. Nous sommes allés au Tolonnay et au Mont-Sainte-Victoire. Il me présenta à Léo Marschutz, à Sam Weiman et à quelques-uns de ses amis. Il commença à me parler d'art et c'est à ce moment-là que je commençais à comprendre. Depuis, je ne suis retourné qu'une seule fois à Aix, juste avant le 11 septembre. Je me rendais au Tolonnay avec un ami et j'ai soudainement remarqué la façon dont les arbres se penchaient au-dessus de la route, exactement de la façon dont Cézanne les avait peints. Ce fut pour moi une révélation extraordinaire.